إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication de قرة العينين. قرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. C'est-à-dire que c'est l'explication de la عقيدة des deux imams qu'on appelle الرازيين en arabe, الرازيان, parce que comme vous savez qu'en arabe il y a le duel, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Et le duel de رازي c'est رازيان, الرازيان. Et donc pourquoi on les appelle ces deux imams, on les appelle Raziyan parce qu'ils viennent d'une ville qu'on appelle la ville de Ray. Hein? Ils ont rajouté le Z dedans par rapport à l'arabe. Sinon, il aurait fallu dire Ar-Rayi. Mais pour que ce soit plus facile, je pense qu'ils ont dit Ar-Razi. Donc, ils ont rajouté un Z. Bon, y a ces deux imams. Un qui s'appelle Abu Hatim al-Razi, et le deuxième imam qui s'appelle Abu Zur'a al-Razi. Ce sont deux imams. Vous allez des fois entendre d'autres savants de l'islam qui s'appellent Razi aussi, al-Razi, mais ces deux-là en particulier sont vraiment des grands imams parmi les imams de la Sunna. C'est même des montagnes, parmi les montagnes de la science, parmi les imams des salafs. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres, même parmi des razis, qui sont des gens de bid'a, comme Fakhruddin al-Razi, qui était si je ne me trompe pas, était Mu'tazili, de la secte des Mu'tazila. Donc, vous pouvez trouver des gens qui s'appellent razis, mais qui ne sont pas nécessairement des gens de la sunna. Tandis que ces deux imams-là, c'est deux montagnes, parmi les montagnes de la sunna. C'est des grands savants, des imams du même calibre que l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, des imams de cette catégorie-là. Donc c'est des grands savants du hadith, des grands savants parmi les savants du hadith qui ont rapporté les livres, parmi les livres de Sunan qu'on lit aujourd'hui là. Ok, donc ça c'est pour par rapport au nom, pourquoi on les appelle, pourquoi on l'appelle l'aqida des deux razis, c'est par rapport justement au fait que ce sont des gens qui viennent de cette ville-là, hein, et ils sont connus par ce nom-là. On est arrivé à l'explication de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, tel que les deux imams l'ont expliqué. Puis, l'explication, c'est l'explication de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Et il expliquait ici que parmi les sectes qui ont dévié, il y en a qui ont dévié par rapport à la foi. Et parmi les sectes qui ont dévié dans la foi, c'est la secte des Murji'a. On a expliqué qu'est-ce que c'est la secte des Murji'a. Et on a expliqué que les Murji'a se divisent en différents groupes. Ils ne sont pas un seul groupe comme monolithique, là, un seul groupe. Mais ils sont plusieurs groupes. Ils sont plusieurs fractions qui se partagent la croyance des Murji'a à différents degrés. Certains Murji'a sont vraiment extrémistes, puis d'autres sont moins déviés que les autres. Les plus égarés, qu'on a dit, c'était les Jahmiya. Les Jahmiya font partie des Murji'a. Et eux, ils disent que la foi, c'est juste la connaissance. Si tu connais Dieu, tu es un croyant. Peu importe qu'est-ce que tu fais, même si tu dis pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, même pour eux, Iblis, il est croyant, Pharaon, il est croyant, tous les koufars sont des croyants, du moins qu'ils connaissent Dieu. Ça, c'est l'égarement total. Et peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, et peu importe qu'est-ce que tu délaisses comme obligation religieuse, tu es un mu'min, du moment que tu connais Dieu avec ton cœur. Donc ça, c'est l'égarement total. Et à d'autres degrés, parmi les degrés d'égarement des murji'a, ceux qui disent que la foi, c'est seulement dans le cœur, les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Donc, tu peux faire des péchés, tu peux négliger les obligations, tu es toujours un croyant, et ainsi de suite. On a parlé de ça. Et on a expliqué que ça, c'est des croyances d'égarement. Puis que dans la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, au sujet de la foi, c'est que les croyants sont divisés en différents degrés dans la foi. C'est pas tout le monde qui est au même degré. Selon les actions qu'ils font, selon les actes d'obéissance qu'ils font, selon leur connaissance, selon leur piété, ils augmentent en foi, ou bien s'ils font des péchés et des obéissances et ainsi de suite, leur foi diminue. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle n'est pas stable, elle n'est pas fixe. Et le Cheikh Rabi', il a mentionné des exemples, des hadiths qui mentionnent justement que quand certains font des péchés, leur foi diminue, leur foi baisse. Comme c'est expliqué dans les versets et les hadiths à ce sujet. Maintenant, il a expliqué donc que ça, c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la foi. Mais il y a des gens de bid'a parmi les khawarij à notre époque qui accusent les salafis d'être des murji'a. Vous allez trouver ça beaucoup aujourd'hui, des khawarij qui accusent les salafis d'être des murji'a. Ils disent, les salafis, ça c'est des murji'a. Vous êtes des murji'a. Et ceux qui font ça, il y en a parmi les khawarij takfiriyin, ceux qui sont takfiri explicitement, qui disent explicitement qu'ils font le takfir des dirigeants et qu'ils font beaucoup de discours sur ça, puis ils parlent tout le temps de ça. Et il y en a d'autres aussi parmi les ceux qu'on appelle les haddadiyya. Al-haddadiyya, c'est ceux qui prétendent être salafis, puis qui se disent salafis, mais qui veulent être extrémistes dans la salafiyya au point de traiter les gens de la sunna d'innovateurs et d'égarés. Cheikh Al-Albani dit « Cheikh Al-Albani, c'est un murji. » Cheikh Rabi, il dit « Cheikh Rabi, c'est un murji. » Ils disent, par exemple, Cheikh Bin Baz, c'est un murji, et ainsi de suite. Bien entendu, tout ça, c'est des fausses calomnies et des mensonges. C'est des calomnies et des mensonges. Et le Cheikh, il explique et il dit « Al-Haddadiyya allati ansha'at al-harb ala ahli sunnati bil-akadhib wal-iftira'at al-murji'a ma yarawna hadha » Donc il dit que les Haddadiyya aujourd'hui, ils ont déclaré la guerre contre les gens de la sunna par toutes sortes de mensonges et de fausses histoires qu'ils disent à leur sujet. Et ça, c'est la spécialité des Haddadiyya. Les Haddadiyya, c'est des gens, ils tricotent les paroles des ulama et ils les déforment pour essayer de leur faire dire ce qu'ils veulent. Et ils vont prendre des paroles hors de leur contexte pour essayer de les interpréter pour faire dire aux savants ce qu'ils ne disent pas et pour faire croire aux gens le concret de la vérité. Donc, ils sont très pervers, ils sont très injustes, ils sont très arrogants et ils n'ont aucune honte et aucune gêne de déformer la réalité et de mentir. Ce qu'on appelle les haddadiyya. Donc, ça c'est une nouvelle secte. C'est apparu à l'époque contemporaine avec un homme de l'Égypte qui s'appelait Mahmoud al-Haddad. C'est un Égyptien qui est venu habiter en Arabie Saoudite. Au début, il a commencé à parler de science, puis à faire des tahqiqs, des vérifications de livres et tout. Puis tout d'un coup, il commence à attaquer les savants. Il commence à critiquer les salafis. Il commence à se dire qu'il est salafi, mais les premières personnes qui commencent à critiquer, c'est les plus grands savants salafis. Il commence à critiquer Cheikh Ibn Baz, commence à critiquer Cheikh Ibn Uthaymeen, commence à critiquer Cheikh Al-Albani, Hein? Puis là, ça a commencé comme ça. Après, Mahmoud al-Haddad, on n'en a plus entendu parler parce que les savants ont commencé à le réfuter. Hein? Puis là, maintenant, aujourd'hui, on sait même plus où il est. Je ne sais même pas s'il est mort ou non. Hein? Donc, Allahu a'lam. Après, il y a d'autres personnes qui ont pris le flambeau de la Haddadiyya à notre époque. Après, par la suite, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Falih al-Harbi. Falih al-Harbi fait aussi partie de ceux qu'on appelle les Haddadiyoun. Puis il y a d'autres aussi qui sont moins connus que lui, comme Bashmel, puis un autre qui s'appelait aussi, comment il s'appelle celui-là? En tout cas, il y en a des petits nouveaux là qui sont sortis à notre époque là. Ils sont très pervers, ils n'ont aucune gêne, aucune honte. Et puis actuellement en France, il y a un petit groupe de délinquants qui ont essayé de commencer à propager les idées, les croyances et les paroles de ces Haddadiyya en France pour essayer de contrer la salafia puis de faire tomber les frères qui prêchent et qui appellent à la salafia. Et ils ont commencé donc à propager des shubuhat au sujet de l'excuse par rapport à l'ignorance de ceux qui font du shirk parfois dans les pays musulmans. Est-ce qu'on les excuse pour leur ignorance ou non? Et commence à essayer de trafiquer les paroles des ulama à ce sujet-là. C'est des gens qui essaient de faire tomber les grands ulama comme Cheikh Rabi' hein, et Cheikh Ubayd al-Jabiri et par exemple Cheikh Mohammed bin Hadi, Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et ils essaient de les dénigrer, puis ils élèvent des grands savants au détriment de d'autres. Comme si pour dire, eux, ils essaient de montrer comme si, oh, nous, on est avec des grands savants. Hein? Puis on les aime et on les respecte, puis en même temps ils attaquent d'autres grands savants, puis ils essaient de les dénigrer. Donc ils jouent avec ça, et ils jouent avec les paroles des ulama, et ils essaient de frapper les paroles des ulama les unes contre les autres, puis ils essaient même de mettre les savants les uns contre les autres. Donc c'est des gens vraiment, c'est des khoubassas, c'est des gens vraiment mauvais. Hein, des faiseurs de troubles, comme tu dis, et c'est des gens vraiment qui essaient de s'aimer la zizanie et la fitna entre les gens. Donc, ils accusent ces gens-là, les gens d'Ahl Sunna, de faire partie des Murji'a. Tandis que les Murji'a, leur position n'a rien à voir avec la position des salafis par rapport à la foi. Et c'est ça ce que Cheikh Rabi a expliqué, c'est ça ce qu'on a lu à la dernière fois. شيخ الزي المرجئة ما يرون هذا يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وإيمان أفجر وأفسق خلق الله مثل إيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام والعياذ بالله من هذا الإرجاء الخبيث مرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل أو لا يدخلون العمل في الإيمان ويرون نقصانه ولا زيادته وهذا مخالفة شنيعة قبيحة جدا للآيات التي تدل على زيادة الإيمان وللأحاديث التي تدل على نقصه بل بعض الآيات تدل على نقص الإيمان. Donc le cheikh il dit que les murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les péchés que tu fais ne peuvent pas nuire à ta foi, de la même manière que les bonnes actions que tu fais ne peuvent pas profiter aux mécréants. Les bonnes actions que quelqu'un fait qui est mécréant, ça ne peut pas lui profiter. Donc ils ont fait un genre de qiyas, hein, un genre de qiyas, une analogie. Mais c'est une analogie qui est totalement fausse parce qu'elle est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna. Parmi les exemples d'analogie qu'ils font, c'est ça. Ils disent, si lorsque tu as la foi, tu fais des péchés, ça ne peut pas nuire à ta foi parce que quand tu es mécréant, que tu fais des bonnes œuvres, ben les bonnes œuvres que tu fais, ça ne peut pas te profiter au jour de la résurrection. Donc si ça ne te profite pas au jour de la résurrection parce que tu es mécréant, donc une fois que tu es croyant, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça ne dérange pas à ta foi. Et ça c'est faux. Parce que les péchés que tu fais dans l'islam ont un effet sur ta foi. Et ça fait diminuer ta foi. Hein? Beaucoup. Donc c'est pour cette raison-là que c'est faux de croire que du moment que tu es croyant, ta foi ne baisse jamais. Et il dit que pour eux, la foi de la personne la plus perverse et la plus désobéissante est équivalente a la foi de Jibril et la foi de, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est complètement faux. Comment un ivrogne, un soulard, un tueur, un meurtrier, un pervers pourrait être comparable à la foi d'un, à sa foi pourrait être comparable à la foi d'un prophète? Non, c'est pas possible. Hein? Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, donc cette forme d'irja qui est sale et qui est une, de l'égarement, hein, ça c'est de l'égarement, donc ça n'a rien à voir avec la position des salafis par rapport à la foi. De même que la position des murji'a, qu'on appelle les murji'atul fuqaha, ceux qui disent que l'action ne fait pas partie de la foi, eux ils voient que la foi diminue, mais ils disent qu'elle ne peut pas augmenter. La foi elle diminue, oui, mais elle n'augmente pas. Et ça c'est en contradiction aussi avec les versets et les hadiths qui mentionnent que la foi non seulement elle diminue mais elle augmente aussi. Parce qu'il y a des hadiths et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent que la foi elle diminue et qu'elle augmente. Et après le cheikh il dit Allahu tabaraka wa ta'ala qassama al-mu'minin alladhina amanu bil-kitab ila thalathati aqsam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a divisé les croyants dans le Coran en trois catégories parmi ceux qui ont cru au livre d'Allah. Al-awwal, al-qism al-awwal, faminhum zalimun li nafsi wa hadha asin naqis al-iman. Donc la première catégorie c'est ceux qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui font des péchés, et ça c'est celui qui a la foi faible, sa foi elle a diminué, elle est faible. La deuxième catégorie, wa minhum muqtasidun. Al-muqtasid, hein, c'est une autre catégorie. C'est ceux qui font qu'est-ce qu'ils doivent faire et qui s'écartent de qu'est-ce qu'ils doivent pas faire, mais ils ont quand même quelques manquements. Ils ont quand même quelques manquements. Et il y a la troisième catégorie, wa minhum sabiqun bil khayrat. C'est-à-dire ceux qui ont dépassé tous les autres dans la piété, dans la foi, dans les bonnes œuvres, hein, et ainsi de suite, puis qui s'écartent complètement des péchés. Ça, c'est les prophètes, les pieux, les savants, les hommes, hein, les hommes de bien. Ceux-là, c'est la troisième catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala a divisé dans Surat Shura les croyants en ces trois catégories-là. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Rabi', hafizahullah, il dit, فَجَعَلَ مَرْتَبَةَ الْعَصِي دُونَ مَرْتَبَةَ الْأَبْرَارِ والأبرار والسابقون والظالمون لأنفسهم والسابقون بالخيرات والمقتصدون هم الأبرار والظالمون لأنفسهم هم العصاة فهذا يدل على نقصان الإيمان وتفاوت الناس فيه وتفاضلهم فيه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la catégorie des pécheurs, ceux qui font du tort à eux-mêmes, il en a fait une catégorie qui est en dessous de la catégorie des pieux. Et les pieux et ceux qui ont dépassé les autres croyants dans le bien et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Hein? Donc il y a trois catégories. Ceux qui dépassent tous les autres dans le bien, ceux qui sont al-muqtasidun, c'est-à-dire les pieux, puis ceux qui font du tort à eux-mêmes, qui sont les pécheurs. Ça prouve que la foi, elle augmente puis elle diminue. Et que les croyants n'ont pas tous le même niveau ou le même degré dans leur croyance. Le cheikh il dit ensuite, مُرْجِيَةُ الْفُقَهَا يُخَالِفُونَ هَذِهِ الْآيَاتِ يُخَالِفُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غُلَاتِ الْمُرْجِئَةِ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُصَاتِ مُعْرَضُونَ لِلْوَعِيدِ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلَ النَّارَ فَيُشَارِكُ أَهْلَ السُّنَّةِ بِهَذَا فمصيبتهم مصيبة ولكن من باب العدل والإنصاف فرق كبير بينهم وبين غلاة المرجئة والإيمان قائم على العدل والإنصاف حتى الكافر ولا يجوز أن تظلمه وكذلك المبتدع. Donc le cheikh il dit que les murji'a, on appelle murji'atul fuqaha, ils contredisent les versets, ils contredisent les hadiths qui parlent de la foi. Mais malgré ça, il faut dire quand même, pour être juste, qu'il y a quand même une différence entre murji'atul fuqaha et les extrémistes parmi les murji'a. Les extrémistes parmi les murji'a, comme les comme les Jahmiyyah par exemple, qui disent que la foi c'est juste de connaître Dieu avec le cœur, hein, ou bien tasdiq bil qalb faqat, juste tu dis avec ton cœur que tu crois en Dieu, ça suffit, après tu peux faire ce que tu veux ou dire ce que tu veux, puis c'est pas grave. Donc il y a une différence entre eux puis murji'at al fuqaha, parce que les murji'at, ce qu'on appelle les fuqaha parmi les murji'at, ceux-là ils considèrent quand même que les pécheurs seront sous la menace de l'enfer et du châtiment, et que certains d'entre les pécheurs vont aller en enfer aussi. Donc ils sont en accord avec les gens de la sunna sur ça. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même des problèmes graves et que leur problème dans la foi est grave, mais pour être juste avec eux, il faut avouer et admettre en même temps qu'il y a une grande différence entre eux et les extrémistes parmi les murji'ah. Il dit que la foi, elle est basée dans l'islam sur la justice et sur le fait d'être honnête et juste avec les gens. Même avec le mécréant, tu dois être juste, hein, et tu ne dois pas lui faire de l'injustice. Alors que dire de l'innovateur? Que dire de l'innovateur? C'est encore, ça veut dire que tu dois être encore plus juste avec lui. Et le cheikh dit, wa min al-murji'ah man yaqul al-iman qawlun bil-lisani faqat. Parmi les murji'ah, il y en a qui disent que la foi c'est une parole juste avec la langue seulement. يقولون الإيمان باللسان وهم الكرامية. Ils disent la foi c'est juste avec la langue. C'est ce qu'on appelle les كرامية. C'est la secte des كرامية. Eux ils disent يقولون الإيمان قول باللسان فقط والمنافق عندهم مؤمن لأنه نطق بلسانه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكن هذا يصادم القرآن. Donc eux ils disent que la foi c'est avec la langue seulement. Puis pour eux, l'hypocrite c'est un croyant, parce qu'il a dit avec sa langue, La ilaha illallah, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Donc à cause de ça, c'est un croyant. Sauf que, comme Allah il dit dans le Coran, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ce ne sont pas des croyants pour de vrai. Mais pour les karamiyya, ce sont des croyants. Et ça c'est en contradiction claire avec le Coran. Après le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 dans surat al-munafiqoun, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. C'est-à-dire que lorsque les hypocrites te viennent, hein, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Donc il y a plusieurs autres versets qui suivent par la suite par rapport à ce sujet-là. Il y en a, le cheikh il dit, il a ayatin ukhar fi mawadi'a ukhra fi dhamm al-munafiqin wa kashf halihim wa bayan kufrihim kama bayyana Allah annahum fi ad-dark al-asfal min an-nar. Donc le cheikh il dit, il y a plusieurs autres versets dans d'autres endroits dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala blâme les hypocrites et dévoile leur état et clarifie leur mécréance et explique qu'ils sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. Les hypocrites sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسِبُ إِلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الْجَنَّةِ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ولكن شيخ الإسلام أنصفهم وحكى عنهم أنهم مع اعتقادهم أن المنافقين مؤمنون مع ذلك يقولون إنهم في النار. Donc le cheikh il dit, il y en a certaines personnes qui ont attribué à la secte karamiyya qu'ils disent que les hypocrites seront au paradis. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ont témoigné de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Sauf que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a été honnête et juste envers eux. Et il a dit que non, c'est pas vrai, ils disent pas ça. C'est-à-dire, hein, pour montrer que Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui était très juste dans ses critiques, même dans ses critiques des Mubtadi'a, il n'allait pas inventer contre eux des mensonges pour les critiquer. Il se basait réellement sur qu'est-ce qui était confirmé et affirmé à leur sujet. Et donc, il dit non. C'est pas vrai qu'ils disent ça, même s'ils croient que les munafiqines sont croyants, mais ils disent quand même qu'ils seront en enfer. Ça c'est mentionné dans Majmu' Fatawa, le volume 7, à la page 476 et 476. ويتعلقون بهذا الاعتقاد الفاسد أن الإيمان قول باللسان فقط، فهم أيضا من غلاة المرجئة، ومذهبهم فاسد ويجري على ارتكاب المعاصي والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que ça c'est un grave malheur, et le malheur dans la croyance des karamiyya parmi les murji'a, c'est qu'ils définissent la foi d'une façon incorrecte et qu'ils ont cette fausse croyance qui est mauvaise de dire que la foi c'est seulement la parole de la langue. Et en disant ça, c'est comme si ils annulaient la foi du cœur et les actions du cœur et les actions du corps, hein, et ils s'accrochent uniquement à cette fausse croyance de dire que la foi c'est seulement qu'est-ce qui est dit avec la langue. Donc ils font également partie des extrémistes parmi les murji'a. Et leur méthode et leur méthodologie et leur voie est corrompue. Et ça ramène les gens à commettre plus de péchés. Ça ramène les gens à commettre plus de péchés parce que ils se disent que peu importe qu'est-ce que je fais, c'est pas grave. Hein? Je suis toujours croyant. Ma foi est toujours bonne. La même chose pour les autres parmi les murji'a. Ils disent la foi c'est dans le cœur. Tu vois, la personne, elle boit de l'alcool, elle vit dans le péché. Les obligations divines d'Allah, comme la salat et le jeûne, il les néglige complètement. Et malgré tout, il dit, dans mon cœur, je suis un bon musulman. Dans mon cœur, je suis comme un ange. L'islam est dans le cœur. Hein, comme certains, comme par exemple certains qui disaient, la religion, ça n'a pas rapport avec les actions, c'est juste avec le cœur. Donc, s'il rase sa barbe, s'il boit de l'alcool, il fait des péchés, c'est pas grave, c'est dans le cœur la foi. A'ouzou billah. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit كَمَا أَنَّ مَذْهَبَ الْمُرْجِئَةِ الْغُلَاتِ وَمَذْهَبَ مُرْجِئَةِ الْفُقَهَا فِيهِ مَنْ يُجَرِّ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالِاسْتِهَانَةِ بِالْأَعْمَالِ ويجرع على مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى الآيات التي تدل على زيادة الإيمان فيتأولها ويحرفها لتوافق هواه فيرتكب إثما كبيرا بهذا التحريف القائم على الهوى ويأتي إلى أحاديث الشفاعة ويتلاعب فيها ولو لم يكن من فساد مذهب مرجئة الفقهاء إلا هذا لكفاه شرا والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que la même manière que la voix des murji'a parmi les extrémistes et la voix des murji'a parmi les fuqaha, murji'a al-fuqaha, c'est différents degrés dans l'irja, c'est différents degrés d'égarement dans l'irja. Sauf que c'est des voies qui amènent les gens à commettre plus de péchés et à dénigrer les actions. C'est comme s'ils vont se dire, c'est pas grave si je fais des péchés, parce que de toute façon, la foi c'est dans le cœur, puis même si je fais des péchés, je suis toujours un bon croyant, c'est pas grave. Et par exemple, il va négliger les actions. Il va dire, oh, j'ai pas fait la salat, je fais pas la salat, mais c'est pas grave. L'action, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est important, c'est le cœur. Hein? Je prie dans mon cœur, j'ai la foi, donc c'est ça qui suffit. Et donc ça, c'est des exemples d'égarement. Et puis vous allez voir que dans la plupart des pays où il y a le soufisme, par exemple, qui est propagé, eh bien souvent les gens sont comme ça. Par exemple, dans certains pays, je vais pas nommer de nom, mais vous allez voir par exemple. Dans ces pays-là où la croyance des soufis est propagée, c'est là que vous allez voir que ce sont des pays où il y a le plus de perversité, dans tous les pays musulmans. Hein? comme si tu compares les pays chrétiens et les pays musulmans, tu vois que les pays chrétiens, c'est là qu'il y a le plus de perversité, parce que les chrétiens se basent toujours sur l'idée que la religion, c'est Dieu est amour, hein, Dieu est amour, peu importe qu'est-ce que tu fais, Dieu t'aime, Dieu te pardonne, hein, tu peux être le plus grand criminel au monde, même si tu es le chef de la mafia, yani, tu tues des gens, tu les envoies dans la rivière avec des blocs de ciment dans les pieds, ou bien tu les enterres dans le trottoir, c'est pas grave, yani, du moment que tu es un chrétien, Dieu t'aime, hein, Dieu est amour. Même qu'ils vendent de la drogue, ils font du commerce, du trafic de drogue, prostitution, tous les crimes possibles au monde. Et après, non, mais c'est pas grave, Dieu t'aime, hein, Dieu aime tout le monde, Dieu aime les pécheurs. Donc tu trouves chez les chrétiens, tu trouves ce genre de discours-là, tu vois. C'est répandu. Donc quand tu compares avec les pays musulmans, tu vois que les pays musulmans sont beaucoup plus attachés à la religion que les koufars des chrétiens qui pensent que Dieu est uniquement amour. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait seulement un seul nom et une seule attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs attributs. Il est miséricordieux. Comme par exemple certains musulmans, tu lui dis tu dois faire la prière, crains Allah. Il te dit Allahu ghafur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit oui, c'est vrai que Allah est pardonneur et miséricordieux. Hein? Mais en même temps aussi, il est shadid al-iqab. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Il est juste aussi. Hein? La yadlimu mithqala dharra. Il ne fait pas d'injustice au Créateur. Donc il ne va pas traiter le criminel de la même manière que la personne honnête et juste. Donc il faut être conscient de ça. Donc quand tu regardes les pays chrétiens et les pays musulmans, tu compares les deux, tu vois cette différence-là. Puis quand tu compares maintenant entre les pays musulmans, regarde les pays où il y a le plus de perversité dans le monde musulman, puis tu constates que ce sont les pays où il y a du soufisme. Hein? Regardez par exemple les pays où il y a le plus grand attachement à l'islam. C'est dans les pays où les gens s'accrochent à la sunna. C'est dans les pays où les gens s'accrochent à la sunna. Tu vas pas trouver dans la rue des femmes qui marchent sans voile. Tu vas pas trouver dans la rue des femmes qui marchent à moitié nues. Tu vas pas trouver des bars. Tu vas pas trouver des bars où les gens s'assoient et boivent de l'alcool en plein jour ou en pleine nuit. Tu vas pas trouver des endroits où les gens font des discothèques à ciel ouvert ou bien dehors comme ça, pignon sur rue. Tu vas pas trouver ces endroits-là où les gens font le shirk et le kouf en plein jour, où il y a des dizas de bonne aventure ou des sorciers ou des gens qui te disent, qui te prétendent connaître l'avenir en plein jour comme ça, ils font ça devant tout le monde. Non, hein? En Arabie Saoudite, tu trouves pas ça. Ou des gens qui adorent les tombes, qui adorent les morts, hein, qui prie les tombeaux. Tu ne trouves pas des choses comme ça en Arabie Saoudite. Même si certains parmi les gens d'égarement aujourd'hui, parmi les ignorants aussi, quand tu mentionnes l'Arabie Saoudite et que tu mentionnes que c'est un pays musulman, on ne dit pas que c'est un pays qui est parfait. On ne dit pas qu'il n'y a pas de péché là-bas. Oui, il y en a des péchés. Et oui, les gens ne sont pas parfaits là-bas. Mais comparé à d'autres, c'est moins pire. Hein? Comparé à d'autres, c'est moins pire. Donc quand tu regardes par exemple ces choses-là, tu dis bon, c'est vrai que peut-être qu'il y a des musulmans là-bas qui font des péchés, qui font des fautes, mais c'est pas comparable à qu'est-ce qui se passe dans les autres pays où il y a le soufisme qui est propagé, où il y a les bid'ahs qui sont propagés, et leur aqidah souvent c'est la aqidah des murji'ahs. Et ça c'est une chose aussi qui nous étonne encore plus, et je rajoute ça encore comme commentaire, c'est très intéressant de constater que les gens qui nous traitent de murji'a, qui traitent les salafis de murji'a, ce sont des gens qui défendent Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Hassan al-Banna, al-Mawdoudi, hein, et tous ces autres prêcheurs des Ikhwan. Alors que la plupart de ces prêcheurs-là, comme Al-Qardawi, Muhammad al-Ghazali et autres, sont tous des Asha'ira. En général, leur base, leur coin, c'est la croyance des Asha'ira et la aqidah de Al-Azhar. Et quand tu vas à Al-Azhar, qu'est-ce que tu trouves? La aqidah, c'est quoi? à propos de l'Iman, c'est la aqida des Murji'a. Parce que les Asha'ira sont des Murji'a. Donc, ils critiquent les Salafis, ils les accusent d'être des Murji'a, et les vrais Murji'a, ils ne les traitent pas de Murji'a, ils s'associent avec eux, et ils les défendent, et ils les flattent, hein, et ils disent oui, ce sont des vrais musulmans. Donc c'est le monde à l'envers, on est avec ces gens-là. Allah nous ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il dit après le cheikh? Il dit que c'est cette voix, c'est ces voix-là qui font en sorte que les gens par la suite dénigrent les œuvres d'obligation et ils sont plus poussés à faire des péchés dans les endroits où les gens ont cette croyance-là. Et ils sont plus poussés aussi à contredire le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois, ils passent sur les versets qui indiquent que la foi augmente et ils les déforment. Ils déforment les versets. Ils déforment les hadiths pour essayer de les mettre en accord avec leurs passions et leurs désirs. Donc tu les vois en train de faire des grands péchés et par exemple le péché de déformer les versets selon leurs passions et leurs désirs, hein? Et les hadiths, c'est la même chose. Ils prennent les hadiths qui parlent de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les pécheurs au jour de la résurrection et ils jouent avec, hein? Donc si les murji'a n'avaient que cette corruption là dans leur voix, eh bien ce serait suffisant comme mal, hein? Voilà, iyadu billah. Et le cheikh Rabi' il dit ensuite, walakin ma'a dhalik هناك فرق هناك فرق بينهم وبين من يقول الإيمان المعرفة فيدخل في تعريف الشيطان فيدخل في تعريفه الشيطان وفرعون ونمرود وغيرهم من عتاة الجبابرة الكفرة عياذا بالله الذين هم في حضيض من الكفر كل الناس يعرفون الله عز وجل أبو جهل يعرف الله ويعترف أنه خالق السماوات والأرض ومع ذلك فهم من أكفر الكافرين. Donc le cheikh il dit, mais tu trouves une grande différence entre ceux-là, c'est-à-dire les murji'a des fuqaha, et les murji'a de, yani, des extrémistes parmi eux, ceux qui disent que la foi c'est juste de connaître Dieu dans son cœur. Donc ils rentrent, ah, selon leur définition de la foi, même le shaitan rentre dans la foi. Même le shaitan est un croyant pour eux. Pharaon est un croyant pour eux. Nimrod est un croyant pour eux. Et les plus grands criminels parmi les mécréants sont pour eux des croyants en Allah. Hein? Et alors que ce sont ceux qui sont dans yani le kufr le plus profond. Parce que tout le monde connaît Allah. Il dit même Abu Jahl connaissait Allah. Et quand tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, il répondait Allah. Alors, malgré ça, c'est le plus mécréant des mécréants. Et eux, ces murji'a disent que non, c'est des croyants. Hein? A'ouzou billah. Donc ça, c'est des exemples de l'égarement de ces gens de bid'ah qui ont dévié dans la foi. Et donc, yani, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui parce que le prochain point que les deux imams ont mentionné, l'imam Abu Hatim et l'imam Abu Zur'a ont mentionné, c'est le point suivant: Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi. C'est-à-dire que le Qur'an, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé dans toutes ses directions. Et on expliquera au prochain cours qu'est-ce que ça signifie. La raison pourquoi je ne veux pas continuer, c'est parce que c'est un sujet qui est complet, qui est assez lourd. Puis pour donner à ce sujet-là son droit, le droit qu'il mérite, il faut vraiment commencer un cours du début. Puis essayer de le faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là. Puis on continuera la semaine prochaine inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa fika baraka akhi.